jeudi à Assemblage Requis. Dans leur capsule humoristique Vidant la dans la question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault parlent d'intolérance raciale. Et dans sa chronique Ton plat favori, Stéphanie Gagné nous présente son coup de cœur typiquement années 80. Soyez à l'écoute ce jeudi dès 15h.